Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Ngarni kuyoku koyanga ani toron kinda. Ngarni kuyoku koyanga ani toron kinda. La clé. Keni haralemme. Keni haralemme. Le verre. Keni kopu madimnihu. Keni kopu madimnihu. La montre. Keni mantoro. Keni mantoro. Les lunettes. Keni yarandungaru. Keni yarandungaru. Le téléphone. Keni téléphone. Keni téléphone. Le peigne. Keni sentade. Keni sentade. Les ciseaux. Keni kutunjiho. Keni kutunjiho. Le rasoir. Keni la moussette. Keni la moussette. L'enveloppe. Keni enveloppe ma kaitirondiho. Keni enveloppe ma kaitirondiho. Le crayon. Keni biki ma safanjifo. Keni biki ma safanjifo.